Et garde la voiture, hein. Pas comme hier, hein. Il arrive. Oh, Jamel, ça va? Biglo et Flori, ça va comment? Ça va quoi? J'ai le plaisir de vous voir. J'aime bien votre son en plus. C'est vrai, t'as écouté déjà ce qu'on fait? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi ton morceau préféré? C'était le... T'as un titre en fait ou... Ouais, le avec la guitare. Ah ouais. Ouais, c'est comme vous faites avec le... Mon fils, il écoute tout le temps. C'est ma mère, il fait ça dans la maison. Là, on est sur le Flori. On est sur le prochain album, là. Un peu la pression, tu vois, on se pose des questions et tout, mais... C'est bien, faut se poser des questions. Parce que moi, j'écoutais ce que vous faites. C'est bien, mais tu vois, vous pouvez monter encore dans... Tu vois? Ah ouais? C'est quoi? Comment on pourrait faire... C'est des trucs tout con, tu vois, pour ajouter de la batterie, de la caisse claire. Bing, bing, tout. Faut que ça envoie, faut que ça bande, faut que ça pulse, quoi. Du saxophone. Il y a des morceaux de rap. Du saxophone. Avec du saxophone, frère. Mais je vois à peu près. Et tu vois, t'envoies caisse claire, saxo, caisse claire, après... saxo, caisse claire, saxo, tu vois, en même temps, tu vois. Comme 50 cent, tu vois. Tu connais les 50 centimes? Un chevalet. Un chevalet. T'as envie de bagarrer, tu vois. Okay. Vous, quand on vous écoute, on a envie de pas se bagarrer, tu vois. On a envie d'aller dans une kermesse. Ouais. On a envie de manger de la barbe à papa. On a envie d'avoir des amis, d'être dans une colonie de vacances, tu vois. Surtout, toi, t'as une tête de gentil, toi, t'as une tête de poire. Vous avez, physiquement, vous êtes gentil. Fronce tes sourcils. Toi, tu fronces jamais les sourcils, j'ai remarqué. Vas-y, Flo. Ce sourcil, voilà. Là, peut venir. Ouais, alors non, frère, non, là, on dirait que t'as envie de liège. Fronce tes sourcils, vénère. Mais en fait, nous, notre spécialité, c'est plus les textes, tu vois. Nous, c'est les paroles. On aime raconter des histoires, on aime les thèmes, les trucs. Ah non, mais mec, les textes, ça sert à rien, ça. On s'en fout des paroles. Tu vois? On s'en fout des paroles. On veut danser, bouger sa tête. On n'en a rien à foutre de ce que vous racontez. J'ai remarqué. Moi, j'ai remarqué ça. Merci, Jamel. Parce que, ouais. Merci. Merci, Jamel. On s'en fiche. Yeah. Big Flo Oli. Tu connais, non? Ha! Je voulais parler de ma ville et de ce monde qui va mal. Parler du jeune qui s'endort sous le pont du canal et ses bombards artisanales et les secondes sur ma monde qui cavale et ses peuples de l'ombre qu'on rafale les tombes. Je voulais parler de cette fille typique qui speak, qui espère sortir de sa vie si vite, si triste, si lisse, respire, oublie l'aiguille qui glisse, si fuit. Je voulais parler de cette popstar, cette idole qui le soir dans la chambre s'endort toute seule. Tous ces mômes qui s'échappent d'une vie molle en cherchant l'amour sur Google. Je voulais parler de ce type qui n'a plus de nerfs. Il a pété un cap, fallait parier. Et la seule chose qui l'empêche de se foutre en l'air, c'est qu'il y a déjà plus de balles dans le barillet. Mais ce que veulent les jeunes quand ils vont en concert, c'est mettre les mains en l'air, crier yeah yeah yo. Ils veulent des refrains pour se vider la tête, que ça tire en l'air à moins de pop pop pop. Et les mecs, ils veulent des meufs bonnes avec des gros boules et du mascara. Et les filles, elles veulent des bonhommes avec des grosses couilles, pas de bla bla bla. Mes potes me disent, pourquoi vous faites pas comme les autres, alcool et weed? Au fond, tu sais, c'est pas de votre faute, c'est ce qu'ils visent. Vous toucheriez le pactole. Personne écoute les paroles. Personne écoute les paroles. Personne écoute les paroles. Personne écoute les paroles. Je voulais parler des tu veux faire quoi plus tard qui paralyse. Des deux trois pétards cachés dans la valise. Et des idées noires qu'on a pendant la dialyse. Ah faudrait que je me canalise. Je voulais parler de nos peurs et puis de toutes nos chaînes. Le monde dans lequel on vit devient trop homogène. Les plaines se remplissent de drôles de graines. Si je t'aime je t'offre un bouquet d'OGM. Je voulais parler de ce politique devant la foule qui serait vainqueur du tournoi. Qui dit je le fais pour vous mais qui pense voter pour moi. Je voulais parler de ces otages, de la misère et du chômage. Si la guerre devenait otage, serre-moi un grand verre de soda. Mais ce que veulent les jeunes quand ils vont en concert, c'est mettre les mains en l'air, crier yeah yeah yo. Ils veulent des refrains pour se vider la tête, que ça tire en l'air à moins de pop pop pop. Et les mecs, ils veulent des meufs bonnes avec des gros boules et du mascara. Et les filles, elles veulent des bonhommes avec des grosses couilles, pas de bla bla bla. Mes potes me disent, pourquoi vous faites pas comme les autres, alcool et weed? Au fond, tu sais, c'est pas de votre faute, c'est ce qu'ils visent. Personne écoute les paroles. Personne écoute les paroles. Personne écoute les paroles. Je voulais parler de la Syrie, de ces peuples qu'on décime dans un silence hallucinant, mais ça n'intéresse pas. Je voulais parler de ces murs qui grandissent en Palestine, en Amérique, ces fanatiques qui voudraient le combat. Je voulais parler de cette sale époque qui nous fout des cloques et tous ces chocs et faire en quelque sorte un putain de constat. Je voulais parler de ma mère qui a combattu le cancer. Alors pourquoi tu le fais pas? Pourquoi? C'est très simple. Parce que... Ce que veulent les jeunes quand ils vont en concert, c'est mettre les mains en l'air, crier yeah yeah yo. Ils veulent des refrains pour se vider la tête. Après ça tire en l'air à moi de pop. Ah mais, c'est sûr, ils ont tout éteint, ça sert plus à rien de faire semblant. Comment il va? Bah il va bien, et toi? Ça va? Cool. Ça va, super, on est bien. Et la véranda, comment elle avance? La véranda, elle avance bien, et ta fille, ça va? Oui, elle grandit, tranquillement. Toi, cool. T'es mignon comme un cochon. Personne n'écoute les paroles. Personne n'écoute les paroles. Personne n'écoute les paroles. C'est mettre les mains en l'air, crier yeah yeah yo. Ils veulent des refrains pour se vider la tête. Que ça tire en l'air en mode. Et les mecs, ils veulent des meufs bonnes. Et des gros boules, et du mascara. Et les filles, elles veulent des bonhommes avec des grosses couilles.